إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 6 dans l'explication du livre de Al-Fatwa Al-Hamawiyya Al-Kubra, la fatwa du Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, au sujet de la voie de Ahl Sunnah, la voie des Salaf al-Salih, au sujet de la croyance en les noms et les attributs d'Allah, et la réfutation des gens de bid'ah à ce sujet-là. La question de Al-Asma wa Sifat, et c'est une fatwa qui est très importante et très grande, et qui contient plein de règles et de preuves pour établir les fondements d'Ahl Sunnah wal Jama'a et pour réfuter les gens et les sectes qui ont dévié sur cette question-là, parmi les Jahmiyyah et les Mu'tazila et les Asha'ira et les Maturidiyya et les Ahbash et toutes les autres sectes qui sont apparues qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on est arrivé donc encore dans l'explication de la citation qu'on avait lue au dernier cours, où le Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit: wa huwa yad'u ila Allah wa ila sabilihi bi'iznihi ala basira wa qad akhbara annahu akmala lahu ولأمته دينهم وأن وأتم عليهم نعمته. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il invite à Allah, il appelle à Allah subhanahu wa ta'ala et à sa voie et à son chemin par sa révélation avec science, avec compréhension, et il a informé, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé que il a complété pour nous sa religion et pour sa ummah. Donc il a complété la religion pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour sa ummah. Il a complété sa grâce, il a parachevé sa grâce sur eux également. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il explique cette partie-là. Le Cheikh dit: wa ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam yad'u ila Allah wa ila dinihi ala basiratin لأن الداعية يشترط فيه أن يكون عالما بما يدعو إليه. أنزل الله على هذه على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله جل وعلا شهد لهذا الدين أنه كامل، وأنه ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما أكمل الله به الدين. فالذي يأتي بإضافات يلصقها بالدين يحسنها للناس معناه أنه اتهم هذا الدين بأنه غير كامل، وأنه يريد أن يضيف إليه أشياء ليست في الكتاب والسنة، وهذا تكذيب لله عز وجل في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم. فما لم يكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم دينا فليس هو بعد موته صلى الله عليه وسلم دينا أبدا، ليس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إضافات، أو إحداث شيء من الدين، وإنما علينا الاتباع، لأن الله أكمل هذا الدين، فليس بحاجة إلى أن نضيف إليه ونلصق به ما ليس منه، ونقول هذه عبادة وهذا خير وهذا إلى آخره، بل هذا شر ولكن عبادة، بل هذا شر وليس عبادة، بل هو بدعة وضلالة، هو بدعة وضلال، وإن استحسنته بعض العقول أو زينه بعض الدعاة إلى الضلال، نحن لا نعبأ بهم ولا نلتفت إليهم، حسبنا ما في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الله أكمل الدين قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك رحمه الله. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il explique que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, il appelle à Allah et à sa religion avec connaissance, parce que cela fait partie des conditions qui doivent être présentes chez la personne qui invite, chez la personne qui prêche. Il faut qu'elle soit une personne qui est savante de ce à quoi elle appelle. Il faut qu'elle connaisse la chose à laquelle elle invite les gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset suivant sur son messager alors qu'il se tenait sur Arafat, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, durant le serment du Hajj d'adieu. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé le verset « Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. » C'est le verset 3 dans Surat Al-Ma'ida. Donc, le Cheikh dit que Allah Azza wa Jal, il a témoigné que cette religion-là, elle est complète. L'islam, il est complet. Et que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas mort avant que la religion soit complétée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, la religion, elle était déjà complète. Donc, celui qui ramène des choses et qui veut ajouter des choses qu'il veut coller à la religion et qui veut faire croire aux gens que ces choses-là sont des choses qui sont bonnes, alors cela signifie qu'il est en train d'accuser la religion d'être incomplète, de ne pas être parachevée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut ajouter des choses qui ne sont pas dans le livre d'Allah et dans la sunna. Et ça, c'est en même temps de venir dénier ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset « Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. » Parce que ce qui ne faisait pas partie de la religion durant la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors après sa mort, ça ne fait pas non plus partie de sa religion et ça ne fera jamais partie de sa religion. Et il n'y a pas d'ajout possible à faire à la religion d'Allah après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas d'ajout ou d'invention de quoi que ce soit possible dans la religion. Donc celui qui invente des choses dans la religion, c'est de l'égarement. Et c'est une innovation, c'est de la bid'ah. Donc nous, la seule chose qu'on a à faire, c'est de suivre. La seule chose qu'on a à faire, c'est de suivre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a complété cette religion. Et donc on n'a aucun besoin de rajouter quoi que ce soit à la religion d'Allah ou à coller quoi que ce soit à la religion. Donc on n'a pas le droit de dire par exemple ceci est une adoration, ceci est un bien. Non, si c'est quelque chose qui n'est pas dans le Coran, si c'est quelque chose qui n'est pas dans la Sunna, on n'a pas le droit de prétendre que cette chose-là est une adoration ou de prétendre que cette chose-là elle est bonne, comme le font les gens de Bid'a par exemple. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés d'essayer de prétendre qu'il y a des bid'as qui sont bonnes et d'autres qui sont mauvaises. La raison pour laquelle ils amènent ces choses-là, c'est pour essayer de faire accepter aux gens des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam. Donc, ils leur ramènent l'idée qu'il y a des bid'as qui sont bonnes et d'autres qui sont mauvaises. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié de façon claire que toutes les innovations sont mauvaises, que toutes les innovations sont de l'égarement et que tous les égarements mènent au feu. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc, toute innovation est égarement, sans exception. Et le cheikh, il dit, hein, donc quand on parle d'innovation, bien entendu, des innovations dans la religion, dans la croyance, dans l'adoration, dans les pratiques religieuses, dans les règles de la charia. Donc, toute innovation dans ces choses-là, c'est de l'égarement. Et le cheikh, il dit, donc, on n'a pas le droit de dire que ceci est une adoration si ça ne fait pas partie de l'islam, ou qu'il y a du bien dedans, si ça ne fait pas partie de qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Au contraire, c'est quelque chose de mauvais. Hein? Ce n'est pas une adoration. C'est en fait une innovation et de l'égarement. Même si certaines personnes, avec leur raison, essaient de le rendre bonne, ou de faire croire aux gens que c'est quelque chose de bon, hein? Ou que certains, parmi ceux qui appellent à l'égarement, essaient de l'embellir aux yeux de certains, nous, on ne donne aucune importance à ce qu'ils disent, et on ne se tourne pas vers eux non plus dans ce qu'ils font ou dans ce qu'ils disent. Qu'est-ce qui est dans le livre de notre Rabb, c'est suffisant, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'est-ce qui est dans la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça nous suffit. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que cette religion-là, elle soit complétée avant la mort de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme l'imam Malik l'a dit, rahimahullah, dans une de ses paroles célèbres. Donc ça, c'est très très important. Et c'est pour ça que tu vois chez les gens de bid'ah, lorsqu'il y en a parmi eux qui disent « ceci est une bid'ah qui est bonne », et tu vois parmi eux, parmi les gens de bid'ah, qui vont dire à propos de la même chose que ce n'est pas une bonne bid'ah, que c'est une mauvaise bid'ah. Hein? Et les deux, ils se basent sur quoi pour dire que c'est bon ou que c'est mauvais? Il se base sur la raison et non pas sur, hein, sur qu'est-ce qui a été révélé. Puisque s'il se basait sur ce qui est révélé, il saurait que si c'est une innovation, automatiquement c'est quelque chose qui est mauvais, hein, puisque on ne peut rien ajouter à cette révélation-là et à cette religion-là. Donc, le cheikh, il dit ensuite, Muhalun, le cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, Muhalun ma'ahada wa ghayri. أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit ensuite, en continuant ses explications et ses clarifications à ce sujet-là, il dit c'est interdit, c'est impossible avec qu'est-ce qu'on vient de mentionner dans les exemples précédents et avec d'autres exemples également, c'est impossible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait laissé cette question de la foi en Allah et de la science, de la connaissance qui a rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, ambigu et quelque chose d'ambigu ou qui n'est pas clair, ou qui n'est pas clarifié, ou qui est mélangé entre le vrai et le faux dedans. C'est pas possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait laissé ce domaine, ou cette catégorie de science, ou de la foi, sans l'expliquer clairement, sans l'expliquer d'une façon explicite et claire, et pour éliminer les équivoques qui existent à ce sujet-là. Pour que, il nous laisse, sans nous clarifier, et nous expliquer et nous aider à distinguer ce qui est obligatoire à attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala comme nom, comme parmi les bons noms qu'il possède et les belles attributs élevés qu'il possède, hein, et qu'est-ce qui est permis d'attribuer à Allah et qu'est-ce qui est interdit. Donc c'est pas possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous aurait laissé dans la noirceur et dans l'ignorance à ce sujet-là. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit muhalun anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam alladhi wakkala Allah ilayhi al-bayan an yakuna lam yubayyin lin-nas hadha wa hadha min ittiham ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam bil-khiyanati wal-kitman. Ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam bayyana lin-nas kull ma yahtajuna ilayhi min amri dinihim wa la siyama al-aqidah allati hiya al-asas wa lam yatawaffa صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الله به الدين والبيان وكون بعض الناس يجهل هذان يجهل هذان أو لم يطلع عليه ليس بحجة، فالبيان موجود، وهذا قصور منه لا من الرسول صلى الله عليه وسلم. Le Cheikh explique, il dit que c'est impossible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui Allah a donné la responsabilité de clarifier la religion pour les gens, c'est impossible qu'il n'aurait pas clarifié qu'est-ce qui a rapport avec ces choses-là pour les hommes. Qu'est-ce qui a rapport avec la chose la plus importante dans la religion, c'est-à-dire de connaître Allah par ses noms et par ses attributs. Et ça, c'est une accusation de celui qui dit cette chose-là, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas parlé ou n'aurait pas clarifié cette chose-là de façon correcte, c'est comme s'il est en train d'accuser le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'avoir trahi la umma et d'avoir caché la science à la umma. Et donc le cheikh il dit que le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a clarifié pour les hommes tout ce qu'ils ont besoin de connaître au sujet des questions de leur religion, et en particulier les questions de la aqida, puisque ce sont les questions qui sont la base de la religion. Et le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pris l'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam excepté après qu'il ait complété le message de la religion d'Allah et la clarification de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait que certains individus ignorent ces choses-là, ça ne veut pas dire que la clarification n'est pas présente. C'est-à-dire que si cette personne, elle ignore qu'il y a eu la clarification à ce sujet, parce qu'il n'a pas vu la preuve, ou parce qu'il n'a pas été au courant, eh bien, l'erreur et le manquement, c'est à lui, et non pas au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc si quelqu'un ignore les clarifications qui ont été données dans l'islam, dans le Coran et dans la Sunna, au sujet des noms et des attributs d'Allah, eh bien, le problème est avec lui, et non pas avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. إذ كان الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس كل شيء من أمور دينهم كما يأتي أنه علمهم حتى آداب التخلي فالرسول صلى الله عليه وسلم علم الناس حتى آداب قضاء الحاجة فكيف يعلمهم آداب قضاء الحاجة ولا يعلمهم أمر العقيدة ولا يعلمهم معنى الأسماء والصفات وأنها على غير ظاهرها وليست على بابها كما جاءت عن الله كيف لم يبين صلى الله عليه وسلم ويأتي بعد ذلك الجهم بن صفوان وواصل بن عطاء وأضرابهما ويبينون للناس هذا عين المحال هذا عين المحال. Donc le cheikh explique, il dit que on sait que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم à clarifier toute chose pour les hommes au sujet des questions de la religion. Et il nous a même, comme on va le voir plus tard, il nous a même enseigné, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah va le dire, il va le mentionner tout à l'heure, il leur a même enseigné comment aller aux toilettes lorsqu'on a besoin de faire nos besoins. Il nous a même enseigné comment faire nos besoins, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a même appris comment faire nos besoins. Alors, s'il nous a même appris ces choses-là, comment pourrait-il ne pas nous enseigner les questions qui sont encore plus importantes, c'est-à-dire les questions qui ont rapport avec la aqida, la foi, la croyance, les fondements de la connaissance qui ont rapport avec la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ce serait raisonnable et acceptable ou logique qu'il nous enseigne comment faire nos besoins, mais qui ne nous enseigne pas les fondements de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala? Donc ça c'est impossible, comme le cheikh l'explique. Donc il nous enseigne comment faire nos besoins, mais il ne nous enseigne pas les significations des noms et des attributs d'Allah, et il ne nous explique pas si elles sont dans leur sens apparent ou non, il ne nous explique pas si on doit les prendre telles quelles, comme ils sont venus par Allah subhanahu wa ta'ala mentionnés dans le Coran et dans la Sunna. Il ne nous a pas expliqué ces choses-là. Puis après ça, c'est Jahm ibn Safwan qui vient, après le messager d'Allah, pour nous clarifier ces choses-là, Jahm ibn Safwan, ou bien Wasil ibn Atta, hein, et d'autres de catégories de ces gens-là qui viennent par la suite, c'est eux qui viennent après le messager d'Allah pour nous expliquer ces questions-là. Ça, c'est, hein, ça, c'est totalement impossible. Hein, donc, on voit comment Ibn Taymiyyah, il établit la preuve contre ces gens-là au sujet de ce qu'ils prétendent dans les fondements de la religion qui sont des graves accusations contre les, contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et contre les salaf salih, de les accuser d'ignorance ou de trahison et de cacher la religion. Hein? Donc, le cheikh dit ensuite, فَإِنَّ مَعْرِفَةَ هَذَا أَصْلُ الدِّينِ فَإِنَّ مَعْرِفَةَ هَذَا أَصْلُ الدِّينِ وَأَسَاسُ الْهِدَايَةِ. Parce que le fait de connaître les questions qui ont rapport avec la foi et qui ont rapport avec la aqida, dans ces questions-là qui ont rapport avec les noms et les attributs d'Allah, de connaître ça, c'est le fondement de la religion. Et c'est la base de la guidance. C'est la base de la guidance. Donc le cheikh il dit ma'rifatu amr al-aqida amru hiya asas al-din wa asl al-din wa asas al-hidayah faman akhalla bi hadha al-asl faqad akhalla bid-din لأن الشيء إذا اختل أساسه اختل فرعه فمثلا البيان إذا اختل أساسه سقط البنيان إذا اختل أساسه سقط وإذا كان الأساس قويا وصالحا قام البنيان واستقام وإذا كان البنيان فاسدا سقط البنيان فكيف لا يهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بأساس الدين الذي هو العقيدة ويبينها ويوضحها للناس حتى يأتي من يأتي ويضع للناس عقائد من عنده أو من عند غيره أو من عند غيره يستحسنها وهو ويقول هذه خير وزيادة خير ويزينها للناس هذا هو عين الضلال والمحادة لله ولرسوله. Donc le cheikh il explique, il dit que la connaissance des questions de la aqida, de la croyance, hein, c'est les, ça c'est le fondement de la religion. Asluddin wa asasul hidayah, c'est la base de la guidance. Donc si cette base là, hein, elle est affaiblie ou il y a un défaut dedans, eh bien ça veut dire que la religion au complet, il y a un défaut dedans, elle est affaiblie aussi. Hein? Parce que si la base de quelque chose, hein, est faible, ou bien il y a un défaut dans la base, eh bien c'est sûr que le reste de la construction va être également faible et va s'écrouler. Hein? Donc un bâtiment par exemple, si la base ou la fondation de ce bâtiment-là, elle n'est pas solide, hein, il y a un défaut dans cette fondation, eh bien c'est certain que ce bâtiment-là va s'écrouler, va tomber. Tandis que si la fondation est solide, hein, est forte, eh bien le bâtiment va se tenir de façon solide aussi. Donc, comment dans ce cas-là on pourrait accuser le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, hein, qu'il n'a pas établi la aqida, qui est la base de la religion, et qu'il ne l'aurait pas clarifié comme il faut pour les hommes. Hein? Jusqu'à ce que vienne celui qui vienne par la suite, après lui, pour expliquer aux gens, ou pour établir pour les gens une croyance ou une aqida de lui-même, ou bien de quelqu'un d'autre, qu'il a quelque chose qu'il a pris de quelqu'un d'autre, il le ramène et il prétend que cette chose-là c'est bon, hein? Et il dit aux gens, voici, on ajoute du bien, on ramène du bien, et il essaie d'ajouter des bonnes, il essaie d'embellir ça pour les gens. Donc le cheikh il dit, ça c'est l'égarement elle-même. Ça c'est l'égarement elle-même. Et c'est l'opposition claire, hein, à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un ne peut pas ramener ça et puis prétendre qu'il ramène du bien, puisque ça c'est des choses qui sont des innovations. Hein, et dans la croyance en plus, dans les bases de la religion. Donc c'est pour cette raison-là que vous voyez les gens de Bid'a, quand ils parlent des fondements de la religion, hein, ils parlent eux des philosophes et des paroles des philosophes et de la philosophie et de ilmul kalam. Et pour eux c'est ça la religion. Et c'est pour eux c'est ça les fondements de la religion. Et c'est basé sur les philosophes grecs et sur les idéologies de ces théologiens, soi-disant, qui se basent sur la raison ou la logique des Grecs ou de quiconque autre, qui vient en opposition avec ce qui est clair dans le Coran et dans la Sunna. Hein? Donc ça, c'est l'égarement elle-même. Et c'est l'opposition à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh dit ensuite, « وَلَوْ أَنَّ الْإِنسَانِ يَجْتَهِدُ بِالْعِبَادَاتِ يَصُومُ النَّهَارِ يَقُومُ اللَّيْلِ يُنْفِقُ الْأَمْوَالِ يَجْتَهِدْ وَلَكِنْ لَيْسَ عِنْدَهُ عَقِيدَةٌ صَحِيحَةٌ فَأَعْمَالُهُ هَبَاءً مَنْثُورٌ لا قيمة لها مهما أتعب نفسه فيها فلا بد أن يبني عمله وعبادته على أساس صحيح وعقيدة سليمة حتى يكون عمله مقبولا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فالعمل القليل الخالص لله عز وجل السالم من البدعة ولو كان قليلا يبارك الله فيه وينفع به صاحبه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد شقة أو شقة تمرة فكلمة طيبة فبكلمة طيبة. Donc le cheikh explique, il dit, si quelqu'un fait tous ses efforts dans les adorations, il jeûne le jour, il prie la nuit, il donne de ses biens, il fait beaucoup d'efforts, mais que sa aqida, elle n'est pas bonne. Le cheikh dit que ses actions, dans ce cas-là, vont être comme de la poussière soufflée par le vent. Ses œuvres n'auront aucune valeur, peu importe de quelle manière il s'est fatigué lui-même pour les établir ou pour les accomplir. Il faut que les actions que quelqu'un accomplit, ces actions-là doivent être établies sur une aqida qui est correcte et sur une base qui est correcte, pour que ces actions soient acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne le verset 40 dans surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que Allah ne fait pas même le poids d'une graine de moutarde d'injustice. Allah ne fait pas même il ne fait même pas le poids d'une il fait pas le poids d'une graine de moutarde d'injustice à quiconque. Et si quelqu'un a fait une bonne action, Allah subhanahu wa ta'ala va la multiplier et il va lui donner une récompense. Il va donner à celui qui l'a fait une récompense de sa part. Donc, le cheikh, il dit que l'action que quelqu'un fait, même si cette action-là, elle est petite, mais qu'elle est sincère et qu'elle est faite uniquement pour Allah et qu'elle est exempte de bid'a, il n'y a pas de bid'a dedans, même si cette action-là, elle est petite, Allah subhanahu wa ta'ala va mettre de la bénédiction dans cette action et il va faire en sorte que cette action-là sera bénéfique pour la personne qui l'a faite. Même si c'est une petite action, même si c'est quelque chose de petit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Adi ibn Hatim, radiallahu anhu, il dit, craignez le feu. Même si c'est par une moitié, la moitié d'une date. Et celui qui ne trouve pas la moitié d'une date, alors par une bonne parole. Alors par une bonne parole. Donc le cheikh il dit, فَالْعَمَلُ الصَّالِحُ وَلَوْ كَانَ قَلِيلًا فِيهِ خَيْرٌ أَمَّا الْعَمَلُ غَيْرُ الصَّالِحِ فَهَذَا وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَهُوَ لَا خَيْرَ فِيهِ مَعْدُومُ الْفَائِدَةِ فليست العبرة بالاجتهاد وكثرة العبادات بل العبرة بالصحيح والاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فأساس الدين وأصل الهداية أن تبدأ بتعلم العقيدة وأول ما تدعو إليه الناس العقيدة وهذا دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإذا لم تكن العقيدة صحيحة فلا تتعب نفسك ولا تدعوا الناس إلى ترك الربا وترك الزنا وهم عندهم شرك وعندهم الشرك. ادعوا الناس إلى ترك الشرك أولا، فالشرك أعظم ذنب عصي الله به، فإذا استقاموا على التوحيد نهيتهم عن الربا وعن الزنا وعن الذنوب. أما قبل أن تؤسس فلا فائدة من عملك، ولو تركوا الربا وتركوا الزنا وتركوا السرقة وبقوا على شرك فلا فائدة من عملهم، فهو هباء منثور. فالأساس والأصل هو التوحيد والعقيدة السليمة. Donc, le cheikh explique, il dit que la bonne action, même si elle est peu, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais si, du moment qu'il y a une bonne action, il y a dedans du bien. Hein, et ça va rapporter du bien. Tandis que l'action qui n'est pas bonne, c'est-à-dire que la personne qui l'a faite, elle l'a pas fait selon le elle l'a pas fait sincèrement pour Allah, ou elle n'a pas fait en étant sur le tawhid, hein, et qu'elle l'a pas fait selon l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et selon sa sunna. Donc cette personne-là, son action, elle n'est pas bonne, même si elle est grande, même si il en fait beaucoup. Hein, il n'y a aucun bien dans ce qu'il fait, et il ne va pas profiter, il n'y aura pas de profit dans son action non plus. Donc l'important, c'est pas seulement de faire des efforts pour en faire beaucoup d'adoration, parce qu'il y a des gens qui se concentrent uniquement sur la quantité. Ils se concentrent sur la quantité de bonnes actions, mais ils ne prennent pas d'importance ou ne donnent pas d'importance à la qualité ou à la valeur de la aqida qui est à la base de cette action-là. Et c'est ça qui fait la différence. Donc, le cheikh, il dit, qu'est-ce qui est important, c'est pas de faire de nombreuses adorations, mais plutôt, c'est de faire en sorte que l'adoration soit bonne et soit basée sur quelque chose de correct. Hein? Et le cheikh, il dit qu'il faut qu'elle soit donc basée sur le fait de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà la base de la religion. Voilà la base de la guidance. De commencer par apprendre la bonne croyance. De commencer par apprendre la aqidah. Et la première chose à laquelle tu dois appeler les gens, c'est la aqidah, la croyance, la bonne croyance. Hein? Parce que ça, c'est la chose par laquelle les prophètes ont commencé. C'est la religion des prophètes. Alayhi salatu wassalam. Lorsqu'ils arrivaient à leur peuple, la première chose qu'ils faisaient, c'est de leur enseigner la aqidah, de leur apprendre le tawhid. Donc, si ta aqidah, elle n'est pas correcte, ne te fatigue pas. Hein? Tu vas commencer à appeler les gens à abandonner le riba, à abandonner l'adultère ou la fornication. Tu dis aux gens, laissez le riba, laissez le zina, laissez le vol, laissez ci, laissez ça. Et ils sont en train de pratiquer le shirk. Et ils adorent les morts, ils adorent les tombes, ils adorent les saints, ils adorent les prophètes, ils adorent les anges, ils adorent les roches, ils adorent les pierres, ils adorent les statues, ils adorent toutes sortes de choses en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, tu les appelles, hein, à abandonner le riba, à abandonner le zina. Le cheikh, il dit, ces gens-là, ils ont du shirk. La première chose à laquelle tu dois les appeler, c'est d'abandonner le shirk en premier. Parce que le shirk, c'est le plus grand de tous les péchés par lesquels on peut désobéir à Allah. Il n'y a pas de péché plus grave que le shirk. Le péché du shirk, c'est le plus grand de tous. Hein? Donc, si les gens sont sur le tawhid, une fois qu'ils ont accepté le tawhid et l'unicité d'Allah, et qu'ils ont cessé et abandonné d'adorer d'autres que Allah, là, par la suite, tu peux leur parler de l'interdiction du riba, de l'interdiction du zina et des autres péchés. Mais de faire ça avant d'avoir établi la base, il n'y a aucun bienfait là-dedans. Le cheikh, il dit, il n'y a aucun bienfait dans ton action dans ce cas-là. Si tu dis aux gens, tu vois, tu les appelles à abandonner le riba, le zina, et que les gens, ils cessent de faire le riba, ils cessent de faire le zina, ils cessent de voler. Hein? Tu appelles les gens, tu dis, par exemple, tu leur dis, faites pas d'adultère, faites pas de fornication, mangez pas l'intérêt, hein, des choses de ce genre. Malgré que les gens continuent à faire le shirk, le shirk, il dit, dans ce cas-là, il n'y a aucun bienfait dans leurs actions. Toutes leurs œuvres, au jour de la résurrection, sera vaine. Donc la base et le fondement, c'est le tawhid, c'est la bonne aqidah. Hein? Combien de gens comprennent cette chose-là parmi ceux qui prétendent aujourd'hui appeler à la religion et faire la da'wah? Hein? Tu les vois en train de critiquer ou condamner des pays musulmans en disant « Ah, oh, dans ces pays-là, il y a tel péché ou il y a tel péché. » Et ils ne parlent jamais du shirk. Hein? Ils ne condamnent jamais le shirk et l'adoration qui est faite d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala dans ces pays-là. Et les gens, ils pensent que, ou ils prétendent qu'ils vont établir la charia dans ces pays-là, et pourtant, l'adoration des morts, l'adoration des tombes, ça continue à être pratiqué normalement, ouvertement, hein, et il n'y a personne qui condamne ces choses-là là-bas, et eux, ils pensent que ça, c'est comme, qu'en établissant les peines islamiques, et en jugeant dans certaines questions, pour empêcher les gens de faire l'adultère, la fornication, la prostitution et d'autres péchés de ce genre, que ça c'est plus grave que le shirk. A'ouzoubillah. Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont rien compris. Ils pensent que la prostitution c'est plus grave que le shirk. L'adoration des morts c'est plus grave que la prostitution. Hein? C'est plus grave que le zina, c'est plus grave que le riba. C'est le plus grand de tous les péchés. C'est le seul péché que si tu meurs avec en le pratiquant, eh bien que tu seras en enfer pour l'éternité. Tandis que si quelqu'un meurt dans le zina ou dans le riba ou dans des péchés comme ça et qu'il ne s'est pas repenti, Allah subhanahu wa ta'ala peut quand même lui faire miséricorde et le faire rentrer au paradis. Hein? Ou bien il peut le punir et le faire rentrer en enfer pour un certain temps et puis par la suite le faire sortir de l'enfer parce qu'il est un mouahid, il est sur le tawhid et il rentre au paradis par la suite. Tandis que celui qui ne faisait pas de riba, faisait pas de zina, faisait pas d'alcool, ne buvait pas d'alcool, mangeait pas de porc, hein, mais que par la suite, il faisait du shirk, lui, il est dans l'enfer pour l'éternité. Il n'a jamais d'espoir de sortir. Donc, le cheikh, il dit que si tu as aqida, donc tu as du shirk, toutes tes bonnes œuvres sont de la poussière éparpillée par le vent. Tes œuvres ne valent rien. Hein. Donc, le plus important, c'est de se concentrer sur la base. Sur le fondement, c'est-à-dire le tawhid, et d'avoir une bonne aqidah. Le cheikh dit ensuite: وَالدُّعَاتُ يَجِبُ أَن يَهْتَمُّ أَوَّلَ شَيْءٍ بِالْعَقِيدَةِ وَلَا يُقَالْ إِنَّهُ لَا يُدْعَى إِلَى الْعَقِيدَةِ إِلَّا الْكُفَّارُ مِثْلُ مَا يَقُولُهُ بَعْضُ الْجُهَّالِ أَمَّا الْمُسْلِمُونَ فَهُمْ مُسْلِمُونَ وَلَيْسُوا بِحَاجَةٍ لِلدَّعْوَةِ إِلَى الْعَقِيدَةِ وَهَذِهِ مُغَالَطَةٌ فَالْمُسْلِمُونَ يَكُونُ عِندَ بَعْضِهِمْ خَلَلٌ وَجَهْلٌ فِي الْعَقِيدَةِ وهم يتسمون بالإسلام فنبدأ بالمسلمين أولا ونصحح عقيدتهم وأساسهم ثم بعد ذلك نتجه إلى غيرهم يبدأ بالأقرب فالأقرب وأنذر عشيرتك الأقربين ونبين لهم الضلال ليتجنبوه ثم المسلم على خطر أن يقع في الشرك ويضل فإبراهيم الخليل دعا ربه أن يجنبه عبادة الأصنام ولم يزكي نفسه بل خاف على نفسه. Donc le cheikh il dit que il y a les du'ats, les gens qui prêchent à l'islam aujourd'hui et qui appellent à l'islam aujourd'hui, il est obligatoire pour eux de donner de l'importance en priorité à la aqidah. Et ils ne doivent pas dire, comme certains le disent, malheureusement, aujourd'hui, que lorsqu'on parle d'aqidah, on doit seulement appeler à la aqidah quand c'est des kuffars. Mais si ce n'est pas des kuffars, si c'est des musulmans, on ne doit pas les appeler à la aqidah. Ils disent ça, c'est des ignorants. Il y a des ignorants qui disent ça aujourd'hui. Ils disent, les musulmans sont déjà des musulmans. On n'a pas besoin de les appeler à la aqidah. Hein? On n'a pas besoin de leur faire une da'wah pour les appeler à la bonne aqidah. Donc le cheikh dit ça, c'est une erreur, une grave erreur. Hein? Parce qu'il y a des musulmans qui ont des fautes graves dans leur croyance, qui ont de l'ignorance dans leur aqidah. Et ils se prétendent musulmans, et ils se disent musulmans, alors qu'ils ont des erreurs dans les fondements du tawhid aussi. Hein? Donc, on doit commencer en premier par les musulmans. Hein? Et on doit corriger leur aqida et leur fondement. Et après, on se dirige vers les autres. On commence par les musulmans, après on va vers les kuffars. On commence par corriger la aqida des musulmans qui ont des erreurs dans leur aqida, et après on se dirige vers les kuffars. Parce que par la suite, qu'est-ce qu'ils disent les kuffars? Qu'est-ce qu'ils disent les kuffars quand on les appelle à l'islam, puis qu'ils voient des musulmans qui ont une aqida qui est déviée et qui a du shirk dedans? Ils disent, vous nous appelez à l'islam et vous nous dites de devenir musulmans, et vous nous critiquez parce qu'on adore Jésus ou Marie ou d'autres personnes en dehors d'Allah. Et parmi vous, les musulmans, il y a des gens qui adorent des tombes, il y a des gens qui adorent des saints, il y a des gens qui font toutes sortes de formes d'idolâtrie. Et vous nous critiquez, nous, parce qu'on fait ça. Hein? Donc, et c'est pour ça donc qu'il faut commencer par la aqida, de corriger la aqida chez les musulmans en premier, et après on va s'attaquer au shirk et au kuf que yani, certains parmi les kuffars peuvent pratiquer dans leur religion, on les appelle à l'islam. Hein? Mais le cheikh il dit, on commence par ceux qui sont les plus proches de nous, c'est-à-dire par notre famille. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans surat al-Shu'ara, le verset 214, hein, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, et avertis ta proche famille, hein, les proches de ta famille. Donc ça c'est pour expliquer, hein, que yani, ils ont des des égarements ou des erreurs pour qu'ils s'en écartent. Puis il faut savoir que le musulman il est toujours dans le danger de tomber dans le shirk, même s'il est musulman. Hein, il y a toujours danger pour lui de tomber dans le shirk. Hein, et il peut toujours s'égarer, même s'il est musulman. Il ne faut pas penser que ça y est, moi je suis né de parents musulmans, dans une famille musulmane, ça veut dire que je suis protégé contre l'égarement, je suis infaillible. Est-ce qu'il y a un être humain qui est infaillible après les prophètes? Hein? Non, il n'y a personne qui est infaillible. Donc ça veut dire que il faut toujours avoir peur de tomber dans l'égarement ou dans l'erreur ou dans le shirk, et toujours demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, de nous protéger dans notre religion, dans notre croyance, comme Ibrahim alayhi salam, hein, qui est un des plus grands prophètes d'Allah. Hein, et lui-même il craignait pour lui-même et pour ses enfants le shirk et l'adoration des idoles, et il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de l'écarter, lui ainsi que ses enfants, de l'adoration des idoles. Hein? Il disait wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Donc il craignait pour lui-même et pour ses enfants, et il ne se purifiait pas lui-même en disant, moi je suis le prophète d'Allah, j'ai pas peur du shirk, j'ai pas peur des idoles. Hein? Ou comme certains ignorants aujourd'hui qui disent, oh mais ça c'était le shirk primitif, les gens qui adoraient les idoles, ça c'était l'ancien shirk, le shirk primitif. Nous on est des gens civilisés maintenant, on connaît la science, on connaît la technologie, on n'a pas besoin d'avoir peur des idoles. Hein? Et pourtant il y a encore des gens aujourd'hui qui adorent plein d'idoles et plein de statues, et qui se prosternent devant des tombes, hein? Et qui ont des PhD et qui ont des doctorats en physique, en sciences, en chimie, et pourtant ils font du shirk. Le fait d'avoir des diplômes ou de connaître la science moderne, ça ne veut pas dire que tu es exempt d'être égaré dans la croyance et dans la religion. Hein? Allah al-Musta'an. Donc le Cheikh dit al-Muslimoun bihajatin lid-da'wati ila al-aqida li'anna 'inda ba'dihim jahl wa yahtajuna ila at-ta'lim وعندهم شبهات ويحتاجون الى بيان هذه الشبهات. Hein, aujourd'hui tu vas même dans certaines universités islamiques et tu trouves par exemple, comme par exemple en Égypte Al-Azhar, et en Tunisie Al-Zaytoun, et tu vas aller par exemple au Maroc dans yani Al-Qayrawan, et tu vas aller dans d'autres universités en Inde ou au Pakistan ou en Turquie ou ailleurs. Et ils vont t'enseigner la aqida des Asha'ira. Hein? Ils vont pas t'enseigner le tawhid des prophètes. Ils vont t'enseigner le tawhid de Abu Jahl et de Abu Lahab. Hein? Ils disent que, ils pensent que le tawhid c'est de croire que il y a un Dieu unique. Hein? Et qu'il est un. Et du moment que tu as reconnu qu'il y a un seul Dieu, ça y est, ça suffit. Mais l'adoration des tombes et des morts et des saints, ça c'est pas grave pour eux. Parce que tawhid al-ibada, ça ne fait pas partie du tawhid pour eux. Hein? Et si tu leur demandes où est Allah, hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a demandé à la jeune fille esclave, où est Allah? Et elle a répondu en disant, il est dans les cieux. Eh bien, eux, ils ne vont pas te répondre la réponse de cet esclave. Ils vont te répondre par de l'ignorance et par de l'égarement. Alors que ce sont des docteurs en aqidah. Hein? Et pourtant, ils n'ont pas appris leur aqidah du Coran et de la Sunna, mais des philosophes. Donc ça veut dire que il faut faire très attention à ces choses-là. Le cheikh il dit "Fal muslimuna bihajatin ila ad-da'wati", hein, bihajatin lid-da'wati ila al-aqidah, li'anna 'inda ba'dihim jahl wa yahtajun ila at-ta'lim wa 'indahum shubuhat wa yahtajun ila bayan hadhihi ash-shubuhat wa 'indahum du'atu as-su' yahtajun ila an yuqawimu ويقمع حتى تكون الدعوة قد بدأت ابتداء سليما وصحيحا فليست الدعوة إلى التوحيد خاصة بالكفار بل المسلمون بحاجة إلى العقيدة وتعليم العقيدة وأكثر المسلمين لا يعرف العقيدة وهو على فطرة ودين ولكن لو تسأله عن العقيدة لا يعرف لأنه جاهل بها والجاهل يعلم أما إذا كان من عن عناد وإصرار فهذا بين أمرين إما أن يلتزم بالعقيدة الصحيحة وإما أن يقاتل إذا كان في المسلمين قوة. Donc le cheikh il dit les musulmans eux aussi ont besoin d'être appelés à la aqida. Il y a parmi eux de l'ignorance, donc ils ont besoin d'être enseignés. Il y a parmi eux des gens qui ont des ambiguïtés, des choses qui ne sont pas claires dans leur compréhension. Donc ces gens-là ont besoin de clarification de ces ambiguïtés-là. Il y en a parmi eux qui appellent à des choses mauvaises et qui sont des mauvais prêcheurs, qui appellent à des innovations. Ces gens-là ont besoin d'être affrontés et d'être réfutés pour que la bid'a soit pas propagé et pour que la da'wa commence d'une façon qui est propre et saine et correcte. Donc la da'wa au tawhid, à l'unicité d'Allah, c'est pas spécifique aux kuffar comme certains se l'imaginent. Il y en a qui vont parler de tawhid seulement s'ils parlent avec des chrétiens pour leur prouver que la Trinité c'est faux, ou bien pour leur prouver que Jésus c'est pas Dieu, ou des choses comme ça. Ça c'est bien, mais c'est pas seulement avec des chrétiens qu'on parle de tawhid. Même avec des musulmans, on doit parler de tawhid aujourd'hui. Puisque, comme on l'a dit, il y en a qui croient en certains musulmans, en certains hommes pieux, de la même manière que les chrétiens croient en la même manière que les chrétiens croient en Isa alayhi salam et en Maryam. Hein? Il y en a qui croient, parmi les musulmans, il y en a qui croient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui font avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la même chose et même pire que ce que font les chrétiens avec Jésus ou avec Marie. Ça dit qu'ils ne vont pas dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le fils de Dieu, hein, ils ne disent pas que le prophète Mohammed est le fils de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, mais ils l'adorent en dehors d'Allah et ils vont à sa tombe et puis ils lui offrent des prières, ils lui demandent des choses en dehors d'Allah, et ça c'est du shirk. Hein? Et il y en a qui célèbrent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils célèbrent sa naissance, ils font le maulid, hein, al-Nabawi, de la même manière que les chrétiens font la fête de Noël pour fêter la naissance de Jésus, eux ils font la fête de maulid pour fêter la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et durant cette fête, qui est une innovation, qui est une bid'a, qui ne fait pas partie de l'islam, hein, qui est interdite par l'islam, ils se permettent de faire des poèmes et des chansons dans lesquelles, hein, ils vont exagérer dans la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam au point de lui donner des attributs divins et des caractéristiques qui n'appartiennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait de connaître le ghaib, hein, ou des choses de ce genre, ou bien ils vont lui adresser des prières et des invocations pour lui demander des choses que seul Allah peut donner. Ça c'est des exemples de shirk, hein. Il n'y a personne parmi les Sahaba qui a jamais célébré cette fête. Ni parmi les tabi'in, les élèves des Sahaba, ni parmi les tabi'in. Et tu ne vas pas trouver parmi les imams, les quatre madhahib, soit l'imam Malik, ou Shafi'i, Abu Hanifa, ou Ahmad. Aucun d'entre eux a fêté le Mawlid. Ni parmi les imams du Hadith, l'imam al-Bukhari, Muslim, hein, l'imam Abu Dawud, l'imam Ibn Majah, hein, l'imam al-Nasa'i, al-Tirmidhi. Tous ces imams-là, tu ne trouveras jamais parmi eux un qui mentionne quoi que ce soit à propos de Mawlid. Et par la suite également, parmi les imams qui sont à cette époque-là, aucun d'entre eux n'a jamais fêté ça. Donc ça, c'est les jeunes bid'a qui ont ramené des fêtes comme ça et des pratiques comme ça. Et tout ça s'est entouré de shirk et de bid'a. Hein? Donc le shaykh, il dit qu'il faut aussi faire la da'wa à l'aqidah, même pour les musulmans. Et il faut aussi leur enseigner l'aqidah. Et malheureusement, tu vois, chez beaucoup de musulmans, quand ils parlent aux musulmans, ils ne leur parlent jamais d'aqidah. Et surtout chez les gens de bid'a parmi les hizbiyin, et comme les ikhwan, et les tabliriyin, ils ne parlent jamais d'aqidah. Hein, ils vont leur parler de politique, d'économie, de problèmes sociaux, toutes sortes de choses, mais ils n'ont jamais leur bouche pour parler d'aqidah, pour clarifier la base de la religion aux gens. Hein, établir, c'est la même chose. Ils appellent les gens à faire des adorations, des adorations et des adorations, et pratiquer des choses, mais sans jamais expliquer aux musulmans les bases du tawhid, de l'aqidah, de l'islam. Hein? Donc, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les musulmans, beaucoup d'entre eux ne connaissent pas l'aqidah. Hein? Ils ont la fitra et la religion, mais si tu leur poses des questions sur l'aqidah, ils ne connaissent pas. Parce qu'ils l'ignorent, ils ignorent la aqidah. Donc l'ignorant, on doit lui enseigner. Mais si c'est quelqu'un qui a des fausses croyances et qui agit par obstination et il persiste dans le faux, dans ce cas-là, cette personne-là est soit entre deux situations. Soit que cette personne-là s'attache à la bonne aqidah et reviennent à la bonne aqidah, ou soit qu'ils soient combattus si les musulmans ont la force et ont la capacité de les combattre. Ensuite, le cheikh, il continue, le cheikh Ibn Taymiyyah, il dit wa afdalu maktasabathu al-qulub wa hassalathu an-nufus wa adrakathu al-uqul. Donc Ibn Taymiyyah, il dit que de connaître Allah par ses noms et par ses attributs, hein, et d'avoir une bonne aqidah, ça c'est, hein, la base de la religion et la base de la guidance, et c'est la meilleure chose que les cœurs peuvent acquérir et que les âmes peuvent obtenir et que les raisons peuvent comprendre, hein, que la raison peut arriver à connaître ou comprendre. Le cheikh explique, il dit, Cheikh Al-Fawzan, il explique cette parole. Il dit, wa tahqiqu al-aqida, wa huwa afdalu maktasabathu al-qulub ila akhirih, wa qad asbaha al-kathir yajhalunaha wa yazhaduna fiha wa yaqulun al-muslimun muslimun wa kafa. La tanzuru ila aqidatihim wa la tufarriqu bayna an-nas wa nahnu naqulu lahum lasna mimman yufarriqu bayna an-nas. نحن ندعو للاجتماع وإصلاح العقيدة نحن والله لا ندعو إلى التفرقة بل ندعو للاجتماع على الحق لأن الكثرة بدون عقيدة ليس فيها فائدة فلا بد من الاجتماع نحن نحب الكثرة على العقيدة ولكن إذا كانت الكثرة على غير عقيدة فما الفائدة إنها هباء منثور فنحن نريد للناس الخير والألفة ما نريد لهم الافتراق بحيث كل يركب رأسه بل وكل يعتقد ما يشاء ونقول الناس أحرار في عقيدتهم من الذي قال إن الناس أحرار في عقيدتهم لو كان الناس أحرارا في عقيدتهم ما بعث الله الرسل ولا أنزل الكتب ولا صار كل يأخذ حريته في الضلال ولكن الناس مأمورون بتوحيد الله وإفراده بالعبادة، وهذه هي الحرية سبحان الله. فالحرية في عبادة الله وحده لا شريك له، أما الرق فهو في عبادة غير الله، كما قال الإمام ابن القيم: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. الرق الذي خلقوا له عبادة الله وحده لا شريك له، وهي التي فيها صلاحهم ونجاحهم وخيرهم، فلما تركوها ابتلوا بعبادة الشيطان والنفس، وهذا هو الذل والهوان. وقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit que le fait de réaliser, d'avoir une bonne aqida et de concrétiser cette aqida, ça c'est la meilleure chose que les cœurs peuvent obtenir et que les âmes peuvent posséder et que les raisons peuvent arriver à comprendre. Et beaucoup de gens maintenant, c'est devenu que beaucoup de musulmans ignorent ça. Et ils s'écartent de ce genre de choses, malheureusement. Et ils disent, il y en a qui écartent les musulmans des fondements de la religion, et ils disent aux musulmans: les musulmans sont musulmans, ça suffit. Pas besoin de regarder à leur aqida. Ne divisez pas les gens. Ils disent: ne divisez pas les musulmans. Il y en a plein qui disent ça maintenant, surtout aux salafis. Quand les salafis appellent au Coran et à la sunna et à ramener les gens à la aqida des salafs, ils arrêtent de diviser les musulmans. Le cheikh il dit: nous on ne divise pas les musulmans. Au contraire, on appelle les musulmans à s'unir et à réformer leur aqida. Nous, par Allah, on jure par Allah qu'on n'appelle pas à la division. On appelle à l'unité, mais à s'unir sur la vérité. Pas juste à s'unir pour être un grand nombre et être nombreux, mais qu'on n'a pas de aqida, on n'est pas unis par la même aqida. Ça sert à rien. Le cheikh dit ça n'a aucun bienfait. Juste de s'unir pour s'unir, non, c'est pas ça qui nous intéresse. Il faut s'unir, on aime d'être un grand nombre, mais si on est un grand nombre, sur la vérité, sur la bonne aqida. Mais d'être un grand nombre sans aqida, ça sert à quoi? Le cheikh dit ça sert à rien. On va être comme de la poussière éparpillée. Donc le cheikh il dit: nous on veut pour les gens le bien et l'unification et le fait d'être ensemble. On ne veut pas pour eux qu'ils se divisent, pour que chacun il monte sa tête, il se monte sa tête lui-même et il dit: moi je crois en ce que je veux. Chacun on est libre dans la aqida. Le cheikh dit: qui a dit qu'on est libre dans la aqida? Si les hommes étaient libres dans leur croyance, pourquoi Allah a envoyé des messagers? Pourquoi il a révélé des livres? Chacun, dans ce cas-là, il aurait pris sa liberté dans l'égarement. Mais le cheikh dit: mais les gens sont ordonnés d'établir le tawhid d'Allah et de croire au tawhid, à l'unicité d'Allah, et d'adorer Allah seul. Voilà la vraie liberté. Et c'est ça la vraie liberté, subhanallah. La liberté d'adorer Allah et d'établir le tawhid d'Allah, et d'adorer Allah seul et de ne rien associer avec lui. Mais l'esclavage et le fait d'être soumis et d'être assujetti et d'être esclave, c'est lorsque tu adores autre que Allah que tu deviens un esclave. Qu'est-ce qui libère? C'est d'adorer Allah seul. Parce que quand tu adores Allah seul, c'est là que tu es vraiment libre. Tandis que quand tu adores d'autre que Allah, c'est là que tu deviens l'esclave de tout autre que Allah. Tu deviens esclave de tes passions, de tes désirs, du shaitan. Comme l'imam Ibn al-Qayyim, il l'a dit dans son poème, An-Nuniyya, dans lequel il clarifie la aqida d'Ahl-Sunnah, et dans laquelle il réfute les croyances des gens de bid'ah, il dit: ils se sont enfuis de l'esclavage pour laquelle ils ont été créés, c'est-à-dire l'esclavage, c'est-à-dire de devenir un esclave d'Allah. Donc ils se sont enfuis de ça et ils ont été par la suite éprouvés puisqu'ils se sont enfuis de la chose pour laquelle ils ont été créés, eh bien ils ont été éprouvés par l'esclavage de, qu'ils ont de leur propre âme, et l'esclavage à leur shaitan. Parce que celui qui n'est pas esclave d'Allah, il est esclave de sa passion, il est esclave de ses désirs, il est esclave de lui-même, dans ses désirs, dans le mal, dans ce qui est mauvais pour lui. Il devient même esclave du shaitan aussi, il devient esclave de tout ce qui est en dehors d'Allah. Donc, le cheikh, il dit, l'esclavage pour lequel ils ont été créés, c'est l'adoration d'Allah lui seul. On a été créés pour ça. Ça fait partie de notre nature. Hein? Ça fait partie de notre fitra. Hein? C'est le seul esclavage qui nous amène du bien, qui nous amène le salut pour nous-mêmes. Mais lorsqu'on l'abandonne, cette servitude-là, eh bien, on devient éprouvé par l'adoration du shaitan, l'adoration de l'âme, hein, et ça nous amène de l'humiliation, hein, et de le fait d'être bas et d'être humilié. Et Allah, il dit dans le Coran, je n'ai créé les hommes et les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Moi seul, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Verset 56, dans Surat al-Dhariyat. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et le verset 49 dans Surat Al-Hijr, 49 et 50, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Al-Hijr, informe mon serviteur que je suis le pardonneur et le miséricordieux, et que mon châtiment, c'est le châtiment douloureux. Après, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, فَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ الْكِتَابُ وَذَلِكَ الرَّسُولُ أَفْضَلُ خَلْقِ اللَّهِ بَعْدَ النَّبِيِّينَ لَمْ يُحْكِمُوا هَذَا الْبَابِ اعْتِقَادًا وَقَوْلًا. Donc, il dit, comment ce livre et ce messager, qui est la meilleure des créatures d'Allah après les prophètes, hein, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment serait-ce possible? Comment pourrait-on penser qu'ils n'ont pas clarifié comme il faut et établi comme il faut la croyance et les paroles à dire dans ce domaine des noms et des attributs d'Allah. Le cheikh Al-Fawzan il dit ici, هذه النتيجة من كلام الشيخ الذي سبق كله مقدمات لها. يقول إذا كان الأمر كذلك فكيف يكون ذلك الكتاب وهو القرآن وذلك الرسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم في سنته وأفضل خلق الله بعد النبيين وهم الصحابة. كيف أن الكتاب والسنة لم يبين العقيدة الصحيحة؟ كيف يكون هؤلاء لم يعرفوا باب الأسماء والصفات اعتقادا وقولا وعملا؟ هذا رد على الذين يتهمون الصحابة بأنهم لم يعرفوا معاني هذه الأسماء والصفات، وإنما الجهم بن صفوان وأضرابه هم الذين عرفوا معانيها وبينوها، وكانت من قبل مغلقة لم يعرفها الناس، وإنما يرددون كلاما لا يفهمون معناه. سبحان الله. Le cheikh explique, il dit c'est ça ici, c'est tout ce que le cheikh a dit. Plutôt, c'est pour arriver à cette conclusion-là, hein, de dire tout ce que le cheikh a dit auparavant, c'est des introductions pour arriver à cette fin-là, à ce résultat-là, de dire comment serait-il possible de penser ou d'imaginer que ce livre, c'est-à-dire le Coran, et que ce messager, qui est le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les meilleures créatures d'Allah après les prophètes, c'est-à-dire les sahaba, comment est-il possible de penser qu'eux n'ont pas bien compris, n'ont pas bien maîtrisé les questions et n'ont pas bien clarifié qu'est-ce qu'il y a rapport avec les noms et les attributs d'Allah dans la croyance, dans les paroles et dans les actions? Comment est-ce possible qu'ils n'ont pas clarifié la bonne aqidah à ce sujet-là? Donc ça, c'est une réfutation pour ceux qui accusent les sahabas, hein, et qui prétendent qu'ils n'ont pas connu les significations de ces noms et de ces attributs-là. Mais que c'est seulement le Jahm ibn Safwan et les gens de sa catégorie ou les gens des semblables à cet égaré-là qui ont réellement connu et clarifié ce qu'ils devaient clarifier à propos des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit wa hadha raddun ala alladhina yattahimuna as-sahaba. Donc ça c'est une réfutation de ceux qui accusent les sahaba et qui prétendent que Jahm ibn Safwan c'est eux qui connaissaient bien la religion, qui connaissent bien les significations des attributs d'Allah et qui les ont clarifiés, et que auparavant c'était quelque chose qui était fermé, que les gens pouvaient pas connaître, hein, et que les sahaba faisaient juste répéter des paroles qu'ils ne comprenaient pas, ils savaient pas ce que ça voulait dire. Subhanallah. Le cheikh il continue Ibn Taymiyyah et il dit wa min al muhal ايضا ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم امته كل شيء حتى القراءه. Donc le cheikh il dit c'est impossible également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à sa umma toute chose, même al qiraa. Al-khira'a, ça veut dire hein, le comment faire ses besoins. L'imam al-Nawawi l'explique, il dit al-khira'a bi-kasr al-kha al-mu'jama wa takhfif al-ra wa bil-mad wa hiya ismun li hay'at al-hadath. Amma nafs al-hadath fa bi-hadf al-ta bil-mad ba'da fath al-kha wa kasriha. Wa yushir shaykh al-islam ila al-hadith alladhi akhrajahu muslimun من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. قال فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائة أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجر أو أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. Donc le cheikh il dit que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ici il fait allusion au hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans son sahih, rapporté selon Salman al-Farisi radiyallahu anhu, lorsqu'un juif lui a dit que un juif a dit à Salman al-Farisi, votre prophète vous a tout enseigné, même comment faire vos besoins. Hein? Et peut-être que le juif ici, il voulait se moquer, hein, du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien de la religion. Mais qu'est-ce qu'il a fait Salman? Il a pas fait attention à sa moquerie. Et il lui a répondu par la vérité de qu'est-ce qui est enseigné par l'islam. Il lui a dit, oui, certes, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de se tourner vers la Qibla en faisant nos besoins ou en urinant. Et il nous a interdit également de nous nettoyer après avoir fait nos besoins avec la main droite. Et il nous a également interdit de nous nettoyer avec moins que trois pierres. Ou bien, il nous a interdit et également de nous nettoyer avec des excréments séchés, des morceaux d'excréments séchés d'animaux, ou bien avec des os, des ossements. Hein? Donc ça, c'est des exemples qui montrent même que il y a des ulama qui ont, quand ils ont mentionné la parole de Salman al-Farisi, comment il a répondu aux juifs, ils ont dit ça, c'est la preuve qu'on a le droit même d'expliquer à des koufars des règles de la religion, des détails de la religion de l'islam, pour montrer la sagesse, pour montrer le fait que l'islam est complète et que les enseignements de l'islam sont complets. Même si eux ils pensent qu'ils peuvent s'en moquer, ou qu'ils veulent s'en moquer, hein, nous en même temps, on sait que ça c'est la révélation d'Allah et c'est la religion d'Allah. Et si tu leur demandes à eux comment ils vont faire leurs besoins, est-ce qu'ils ont des règles claires pour savoir comment faire pour rester propre et pur quand ils vont aux toilettes, hein? Donc, ils n'ont pas été guidés à ces règles de purification et à ces règles de propreté que l'islam nous a enseignées, malheureusement. Hein? Donc, s'ils acceptent la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ils vont connaître, hein, le bienfait qu'il y a dans ces choses-là. Donc, même dans ces choses-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment faire. À Alors comment on peut penser par la suite que il nous a pas expliqué les bases de notre croyance? C'est pas possible. Hein? Donc, le cheikh il dit allamahum adab at-takhalli. Cheikh al-Fawzan il dit allamahum adab at-takhalli hatta qala ba'd ahl al-kitab li ba'd as-sahaba nabiyukum allamakum kull shay hatta al-qira'a qala faqal ajal laqad nahana an nastaqbila al-qibla lighaitin aw bawl aw an nastanji bil yamin aw an nastanji بأقل من ثلاثة أحجر أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم فكيف يترك باب العقيدة لم يبينه فهو أهم شيء فالرسول صلى الله عليه وسلم ترك شيئا للناس فيه مصلحة في دينهم ما ترك شيئا للناس فيه مصلحة في دينهم إلا بينها عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله أما ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد كمال الشرع وكمال البيان وكمال التشريع من الله وكمال البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم أما كون بعض الناس لم يطلع أو لم يعرف أو لم يرد أن يعرف لم يرد أن يعرف فهذا ليس حجة لأن البيان موجود كيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بين لأمته كل شيء حتى آداب التخلي ولم يبين لهم باب العقيدة حتى جاء هؤلاء وبينوها للناس donc le cheikh il répète qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au fait que un juif a demandé à un sahabi c'était Salman al-Farisi les règles comment faire les besoins, et il a répondu, il a expliqué comment, et le cheikh, il dit donc, dans ce cas-là, comment il aurait pu abandonner ou laisser l'explication au sujet de la croyance, qui est la chose la plus importante. Donc le messager, sallallahu alayhi wa sallam, n'a rien laissé de l'explication de la religion dans laquelle il y a un bienfait pour les musulmans. Il a tout expliqué, qu'est-ce qui a rapport avec la religion, et dans les choses dans lesquelles il y a un bienfait pour la umma. Hein? Donc, celui qui le sait, il le sait, et celui qui l'ignore, il l'ignore. Mais il faut comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant sa mort, il a complété et parachevé la révélation et la religion au complet. Et il a tout clarifié. Et il a parfait la législation que Allah lui a révélée. Il a clarifié complètement. Et il a expliqué complètement la religion. Donc, le fait que certaines personnes ne connaissent pas certaines choses, ou ignorent certaines choses, ou n'ont pas voulu savoir certaines choses de la religion, ça, c'est pas une preuve. Comme il y a des gens aujourd'hui, par exemple, parmi des ignorants, que ce soit des féministes, des laïcs ou autres, parmi les catégories de gens qui n'ont pas étudié la charia, des gens qui ont étudié, par exemple, l'économie des koufars, ou la politique chez les koufars, ou bien d'autres sciences chez les koufars, et qui n'ont pas étudié la charia de l'islam, qui n'ont pas lu le Coran, ou étudié les hadiths, étudié les sciences de la charia, et qui pensent que l'islam a oublié de clarifier certaines choses dans la vie des hommes. Parce qu'ils n'ont pas de connaissance de la religion. Et donc, le problème n'est pas dans la religion, mais dans leur ignorance à eux. Et donc c'est ça, c'est la même chose pour celui qui ignore les règles de l'aqida dans l'islam, c'est parce qu'ils n'ont pas étudié, et c'est parce qu'ils n'ont pas appris, et c'est parce qu'ils n'ont pas cherché, parce que les connaissances à ce sujet-là, elles existent. Hein? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il a expliqué même comment aller faire nos besoins, il y en a des musulmans aujourd'hui qui ne connaissent même pas les règles, comment faire les besoins selon l'islam, selon les règles de la charia. Hein? Ils vont à la toilette de la même façon que les koufars. Parce qu'ils ne connaissent pas les règles de la charia. Donc, s'ils ne les connaissent pas, ce n'est pas la faute de l'islam, ce n'est pas la faute du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est la faute de leur négligence à eux. Hein? Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué comment faire nos besoins, il n'aurait pas laissé de côté la chose la plus importante dans la religion, c'est-à-dire la aqida. Et le cheikh, il explique ensuite des paroles que les sahabas ont mentionné, que lui il a mentionné au sujet de la religion, et que les sahabas ont mentionné également, Naam. Donc, je vais voir ici jusqu'où on peut aller. Le point numéro 2. Donc, on va lire deux hadiths et puis on va s'arrêter avec l'explication, puis on va s'arrêter. Donc, le Cheikh il dit wa qala taraktukum ala al-bayda'i laylaha ka nahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Et il a dit wa qala fima sah anhu aydan ma ba'atha Allah min nabiyyin illa كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم على شر ما يعلمه لهم. Donc ça c'est deux hadiths très importants qui nous montrent que le prophète صلى الله عليه وسلم il a tout expliqué les choses qui ont rapport avec la religion. Hein, le premier hadith c'est le hadith dans lequel le prophète صلى الله عليه وسلم il dit je vous ai laissé sur une voie éclatante et éclairée. Sa nuit est comme son jour. Et nul ne s'en écarte ou ne s'en détourne ou n'en dévie, excepté qu'il va à sa perte. C'est-à-dire, il va périr. Et le hadith aussi qu'il a rapporté ensuite, c'est rapporté par l'imam muslim, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhuma, il dit dedans qu'il n'y a pas un prophète qui a été envoyé par Allah, excepté que c'était un devoir pour lui d'expliquer à sa umma et d'indiquer à sa umma le bien qu'il connaît pour eux et de leur interdire le mal qu'il connaît pour eux. Donc ça, ce sont les deux hadiths avec lesquels on termine le cours d'aujourd'hui. Et le cheikh, il les explique en disant « قَالَ ذَلِكَ عِنْدَ وَفَاتِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ يعني الجادة البيضاء النقية الواضحة وهي سنته لا يزيغ عنها بعد إلا هالك من سار على هذه الجادة وصل إلى الله ونجا من الهلاك ومن خرج عن هذه الجادة هلك لأنه يسير على غير طريق. Donc, le Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit je vous ai laissé sur cette voie éclatante, éclairée. Il a dit ça avant sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Il parle d'une voie qui est blanche, qui est claire, éclatante, éclairée. Et ça, c'est sa sunna. Nul ne s'en écarte, excepté celui qui périt. C'est-à-dire, celui qui marche sur la voie de la sunna, il va arriver à Allah. C'est-à-dire, il va arriver à l'agrément d'Allah et à sa récompense. Mais celui qui s'en écarte, hein? Eh bien, il va périr. Parce qu'il suit autre que la bonne voie. Hein? Celui qui suit la bonne voie, il va être sauvé de la perdition. Donc, on va s'arrêter ici. Puis, la semaine prochaine, on continuera le cours numéro 7. Inch'Allah. Je vais voir, peut-être qu'on pourra rajouter un cours la semaine. Je vais voir aussi quel jour, puisque là, c'est les vacances. Donc, les vacances ont commencé. On a plus de temps. On a plus de temps libre. Donc, Inch'Allah, on pourra profiter pour augmenter le nombre de cours, Inch'Allah. On s'arrête ici. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.